Parler de son quotidien. Exercice 2. Le matin, je me lève à 6h30. Je me douche et je fais un peu de gymnastique. À 7h, je prends mon petit déjeuner en lisant le journal. J'aime bien ce moment. Je prends un bon café avec du pain et du beurre. À 7h30, je vais au travail en voiture. J'en ai pour 1 heure. À 8h30, je commence ma journée au bureau jusqu'à la pause déjeuner vers 12h30. De temps en temps, je déjeune à la cafétéria. Mais quand il fait beau, je sors. J'achète un sandwich et je le mange en me promenant. Je termine le travail à 18h et je rentre chez moi. Sauf quand j'ai rendez-vous avec des amis ou que je vais au cinéma. Je dîne vers 19h30. Je fais la vaisselle. Je range un peu la maison. Puis je regarde un film à la télévision et je me couche vers 23h.